Veuillez défaire votre espoir, votre manque de confiance en vous. S'il vous plaît, débrouillez les cartes maintenant. Place à l'émotion. Place à la magie. La magie, c'est de la magie. C'est peut-être de la magie. C'est pas encore. Madame Thibodeau, est-ce que c'est déjà commencé? On le sait pas, attendez! Place à tout ce qui tourne autour de vous. Arrêtez de bouger, vous, vous l'étourdissez. Il n'a pas l'air tout à fait normal. Il n'a jamais été normal. Il n'a jamais entendu, il dit, il n'a jamais été normal. La normalité n'existe pas. Hey, il est dans une dépression. La dépression débute. Il va pleurer, attention. Pourquoi ne pas en verser une belle? Avec, t'as-tu le seau? Amène le seau, hein, le seau. J'en suis un. Un seau, c'est lui, le seau, c'est lui. Madame Thibodeau, est-ce que c'est déjà commencé? Attendez, il va pleurer en direct. Ça amène l'auditoire. Si on demanderait, s'il vous plaît, à tous les gens qui sont en onde actuellement, appelez un ami. Appelez quelqu'un. Ou si vous êtes devant votre ordinateur, demandez à plusieurs personnes de se reculer derrière vous et d'écouter ce qui va se passer. Et de regarder et d'écouter ce qui va se passer. C'est quand même quelque chose de rare. Et c'est comme ça que ça va se... Et ça, c'est payant. Dans tous les téléromans, là, quand on meurt, quand on pleure, quand on souffre, quand ça saigne, quand ça meurt, quand ça... On l'a dit deux fois, mourir. Ben oui, mais plus ça meurt, plus l'audimat monte. Pas besoin de Viagra. Jamais besoin de Viagra là-dessus, là. Puis, en... Oui. Arrêtez de nous énerver, vous, là. Bon, il va mourir peut-être en direct, là. Pouvez-vous nous mourir? Madame, s'il vous plaît. Nous vivons quelque chose. Et voilà, c'est le moment. Amène le seau. J'en suis un. Eh bien voilà, il est encore une autre fois. Madame Thibodeau, est-ce que c'est déjà commencé? Arrêtez-vous là, vous nous énervez. En plus, on sait même pas, est-ce que c'est débuté, est-ce que c'est terminé? Nous sommes dans le milieu, à la fin, tout le monde est dans un marasme complet. Je me sens comme la mère de Céline Dion. Oh non! Oui! Attention, avant que l'animal se déballe jusqu'à vous, nous tenons à vous mettre en garde. Tout en respectant le genre humain, jamais nous nous interdirons de dire quoi que ce soit. L'errance rénaldienne se veut avant tout multidirectionnelle, à travers un sentier noble et non édulcoré que l'on surnomme les mots, l'improvisation, dévissée de tout sens, pour, en bout de route, en réinventer une autre. Si en cours de route, des turbulences vous parviennent à travers des propos biscornus, des raccordements étranges, sachez que les personnages baroques collaborent à ce chaos anarchiste. Maintenant, préparez-vous à tout. L'errance rénaldienne se dessine. Bah déjà, on prend vraiment des superstars, tu vois. On prend Truffaut, Lino Ventura, on prend... Et toi, t'as travaillé sur qui? Bah là, récemment, j'ai travaillé sur Claude François, okay. Sur Truffaut. Mais quand tu les visites, est-ce que tu te dis hey, « il faudrait que je m'y attarde plus » et c'est là que commence pour toi ton engouement pour un artiste? Je sais pas, tu croyais que Lino Ventura n'était pas ce qu'il était? Ah si, moi j'ai toujours adoré Ventura. Okay, si. Mais est-ce que tu parles des sujets qui te... Mais je découvre des choses, ouais. Je découvre des artistes. Non, mais en même temps, est-ce qu'on t'oblige de prendre un artiste? Exemple, si on te dit « prends François... Annie Cordy. OK, Annie Cordy, tu vois, mais Annie Cordy, Alors, si j'adore en passant Annie Cordy. Voilà, mais alors en fait, Annie Cordy, je suis sûr que je trouve des choses passionnantes sur elle. Oui, mais à la base, ça me parle pas. Voilà, à la base, non, ça me parle pas. Okay. Mais je suis sûr qu'en creusant, je trouve des choses super. Alors, tu choisis... on t'impose des gens. Tu choisis pas des gens. Si, on choisit parce qu'on se met d'accord avec les trois auteurs si on a des affinités pour les artistes. OK. Et on arrive toujours à se mettre d'accord. Et puis après, il y a toujours quelques... Je suis pas un fan de Claude François, t'imagines bien. Okay. Mais après, ce qui m'a intéressé chez lui, j'ai pris l'angle le businessman. Tu vois, la façon dont il a monté un empire avec maison de disques, maison d'édition, agence de mannequins. Non, c'était Flèche. Ah, Flèche, OK. Comment il a généré la carrière d'Alain Chamfort, tout ça. Le côté Alain Chamfort, ouais. Alain Chamfort, c'est lui qui l'a fait signer pour la première fois, qui l'a propulsé. Ah. Après, Alain Chamfort est parti parce qu'il voulait plus de liberté artistique. Il est récemment par sa maison de disques il y a 6-7 ans. Oui. Et il est parti faire un spectacle ici à Paris, au Jardin du Luxembourg, c'est ça? C'était en film, ça, oui. Ça, on l'a filmé, c'est exceptionnel. C'est bien, ça. C'est merveilleux. Avec Bertrand Burgala, tout ça. Et ça fait penser... Oui, ben, plein d'artistes invités. Oui. Et ça fait penser à Claude Nougaro. On l'a viré de Barclay. Il revient en Igelin aussi. Tous les grands artistes se sont fait virer ces dernières années. Oui, ils reviennent en force. Oui. Nougaro avec Nougayor. Oui. Bang, bang, bang. Attention, ici, Nougayor, il voyait descendre des dollars. C'est totalement délirant. Et on se demande pourquoi ces maisons-là remercient des artistes qui, aujourd'hui, roulent comme... roulaient peut-être un peu moins, mais juste le fait de fermer la porte, Parfois, il y a des moments où les maisons disques sont aux mains de gens stupides, oui, qui voient juste à très court terme, mais à très très très court terme, c'est-à-dire que c'est la mode des boys bands, on signe que des boys bands, et Nougaro, on ne voit pas assez, on vire Nougaro. Hein. Voilà, c'est vision à très court terme. C'est aussi parce que les maisons disques sont de plus en plus des multinationales, et que les bilans, les décisions ne sont pas prises dans le pays localement. La décision, elle est prise à New York, okay. Elle est prise à New York, on fait un bilan comptable, avec des codes barres, on fait tel artiste, l'artiste X, il a généré combien, il a coûté combien. Et si la balance est déficitaire, on le vire. Alors l'artiste, il peut s'appeler Igelin, il peut s'appeler Nougaro, il est viré s'il est déficitaire. C'est incroyable. Voilà. Et c'est parce que c'est de la gestion informatisée des choses, c'est pas de la gestion artistique ni humaine. Je crois que les gens n'aiment pas le son, même le son de leur propre voix, ils l'aiment pas. À la radio, on peut encore rire un peu. À la télé, c'est plus dur. Ils n'aiment pas l'histoire, ils n'aiment pas leur histoire. Par contre, ils aiment raconter ou entendre des histoires au sens où on dit soit raconte-moi une histoire, soit arrête de raconter des histoires. Et l'histoire n'intéresse pas. Le son n'intéresse pas en tant que son. Je ne sais plus où je suis des fois. Des fois je dis merde, il y a des gens qui sont là, il faut quand même que je fasse que... Non, je suis ailleurs. C'est bien. Ils doivent partir avec moi, c'est ça mon rêve, parce qu'ils partent avec moi. On est ailleurs, on oublie tout. On nous donne des haut-parleurs qui rejoignent des milliers, des millions de personnes. C'est une chance et un privilège que d'autres n'ont pas. Il faut que les chevaux sauvages de l'inspiration puissent tout détruire ce qu'on sait, toute sa culture classique, il faut que ça détruise tout, puis que l'imagination, cette folle du logis, puisse jouer sa partie. S'il n'y avait pas le rire pour nous aider à supporter cette redoutable vie, je ne sais pas comment on ferait. C'est de la survie, le rire. La musique. La musique, la musique, la musique. Et les amis. Et rigoler. Quand on peut. Il faut rigoler. Faut rire. Je vous embrasse. Faut rire de tout ce qui est insupportable pour prendre de la distance. Tout le monde, vous savez, les gens qui n'ont pas d'humour sont des gens qui ont des vies terrifiantes. Vous verrez mon corps actuel voler en éclats et se ramasser sous 10 000 aspects notoires, un corps neuf où vous ne pourrez plus jamais m'oublier. En tonnerre. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, l'absurde, par sa structure plurielle, non très simple, pardon, singulière, absurde, par sa singulière, peut collaborer dans certaines pastilles, s'il vous plaît, dans la mourir, mort, intellectuellement, l'absurde. Par sa structure singulière, Albert Camus. Pardon. Excusez-moi. L'absurde. Pardon. L'absurde. On doit un petit sac à vie ou quelque chose à l'aéroport. Devant sa structure singulière, qu'on appelle quelquefois l'improvisation. On s'excuse. Je devrais abréger ici ma collaboration à votre institution. Pardon, excusez-moi. Étudiant, étudiant, oui, d'accord, excusez-moi, c'était dit que c'est terminé, c'est un chien, Pouvez-vous m'éponger, madame? L'absurde! Hein, c'est bon. Par sa stricte. régulier, c'est régulier, ça. Ça m'arrive pas souvent, c'est très, très rare, madame. J'ai chaud en toute la bretelle, moi, là. Mais léchez moi la bretelle, madame. Non, Philippe Catherine aime bien lécher les bretelles. Mais si vous voulez me lécher le dessous de bras, monsieur Philippe Catherine, si vous voulez... Eh, monsieur, hein? J'ai abandonné mon chien pour avoir un Philippe Catherine dans ma maison. Ouais! Pardon? Partout, ils sont pas partis, ils sont ici, bonjour, les étudiants, merci d'être ici pour me faire une ovation, assis, couché, dans la niche, mangez, tranquille, bon, beau Québécois, docile Québécois, le Québécois ne se rébiffe jamais, tranquille, lèche la moquette, lèche, donne de l'argent, achète des billets de loterie, achète, crate, tu perds, achète. Bon, on a besoin d'argent, nous, au Québec. Si on veut un jour se dissocier du Canada pour vivre de notre propre francophonie. L'absurde! Ah, c'est son... Hier au soir, là, c'est dit long, il n'y avait pas grand-chose à faire. Hier, c'est Georgette, hein, j'avais demandé pas trop, calme-toi, ma belle. Mais ça s'énerve, ces petites bêtes-là, hein. Tu leur dis bonjour, ça frétille de la boulande. Ah, bon, d'où la boulée, la potette, l'absurde. Par sa structure irrégulière, nous donne foi. À travers l'œuvre de Camus, Manu, Manu? Pas Manu Negra. Manu Solo? Sol. Calme-toi. Calmez-vous. Je vais vous le dire, là. Qu'est-ce qui arrive, là? Camus. Bon, ça vous est étranger, Camus, hein? Mais l'étranger de Camus, vous connaissez... Ah, moi, ça, c'est bon, les enfants. Les enfants jouent dans la soutane du frère en... Censure, hein? C'est, avez-vous remarqué? Ça, c'est de l'impro, mais il y a la censure, hein? Soutane de... On fouille en dessous de la soutane, hein? Oh, ça sent... La bourdaille, merci. Le fromage de chez nous. Que l'on aime tant, coupé ou allongé. Surtout coupé, hein? Est-ce qu'on peut mettre fin ici? Coupé! Non, action, on sait pas. Veuillez circuler, s'il vous plaît. Oui. Il n'y a rien à boire. Pardon? Il n'y a rien acquis? Non, on n'a absolument rien d'acquis, vous avez entièrement raison. Nous sommes dans des connaissances que nous tentons régulièrement d'acquérir pendant toute notre vie. Et nous sommes que de passage parmi vous, madame, mademoiselle, mes chers cons, citoyens. Allons, enfants de la palonçant la patrie, le jour de gloire est arrivé, entre nous de la tyrannie, Levez, couchez, dormi, endors. Bon, fais le chien. Bon, il est docile, hein, vrai Québécois. Monsieur le Président, l'absurdité de mon propos ne dégage que de la sueur qu'un chat souterrain dans la gorge profonde de mon regard intrus. Prenez-en en note, c'est bon, ça, là, pouvez-vous répéter? On ne peut pas. Ce n'est qu'un seul jet. Ma substance! Qu'à travers mes mots, mon dialogue insipide, tel l'oiseau frileux. En janvier, l'oiseau est plus frileux. L'oiseau est couché, ma petite fille, avec les ailes ouvertes, comme l'ange gardien de Simonon. Avec la pipe, ben, en fait, il se fait faire la... Ben, il tient la... avec ce... Et puis là, il fait... Ça, c'est l'agonie de la pipe, lorsque on te... C'est... La substance, c'est ça. Monsieur le poteau... Pardon? Partez. Non, ne partez pas. Les étudiants et les étudiantes, la porte est barrée. Nous avons pris soin de fermer à double amour tout ce campus. Et moi, quand je dis plus, ça me gratte déjà la moselle. Moi. Ah, c'est la garlotte aussi. La garlotte me pique. Vous, Mme Tremblay, la garlotte vous pique-t-elle? Elle, il n'y a plus rien que là. Veuillez circuler, s'il vous plaît. Il n'y a rien à boire. Il n'y a rien à boire, voyons donc. Il y a de l'eau minérale, minésimée. C'est minésimée que l'année, ça, madame... 93! 93, c'est pas bon pour l'eau, ça, 93. Il me semble qu'il y a eu 3 morts en Gaspésie. Oui, mais peut-être en Gaspésie, c'est pas fort, hein? Ben, c'est pas très fort. Faut dire que le système immunitaire de Gaspésien, c'est beaucoup plus... corrosif. Le système immunitaire d'un citoyen de Sainte-Foy, banlieue de Québec. Ah, ben là, je peux pas vous dire, là, le fil est cassé dans le monde où le... Donnez-moi du fil! Plus de fil! Ah, ben ça, c'est à l'interne. Vous savez pas, vous nous écoutez à la radio, vous nous regardez à la TV, vous partout dans la communion multimédia, vous nous captez, mais là, j'ai comme un petit problème de cordon. Obélix, un peu avec ta... Comment ça s'appelle ça, là, lui? Un menhir, un saphir. Un menhir, un titir, un menhir, allez lire. Délire. Des livres. On veut des livres. Défrilez-lui! Oui. Monsieur le Président, messieurs les patrons catholiques, mesdames les voluptés, et vous, chers résidentes et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Reynaldienne, L'absurde. L'absurde. Arrêtez. Allez, coupez ça. Coupez-moi ça, ce guignol-là, là. On va changer de chaîne. Déchaînons-le, puis rachons Rorinier-Aniris. Aniris. Et bienvenue à la douce. Je vais pas en colère. Bienvenue à la douce rénalité. Tasse-toi, Georgette. On va voir un postillon passer dans la radio. Jean-Pierre, ferme ta radio. Le malade va nous envoyer des pesticides, puis on va peut-être m'en crever. Puis les extraterrestres vont peut-être capter toute cette émission de malade singe. Oh, je sais pas comment ils font pour le garder là, lui. Heureusement qu'il y a quelqu'un ici à CKRL qui veut extirper les races rénaldiennes. Heureusement qu'il y en a un. Il y en a un seul. Et il se Bienvenue à la douce rénalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à l'errance rénaldienne. À quoi bon faire cette émission si on ne s'en rend pas? On ne se rend pas droit, si on se rend, là, ce sera de peine et de misère. Et comme le disait mon ami Alain Chouchet, sous la chaise. Parce que là, il est très gêné. C'est un gars gêné. Il se dit, allez, Souchon, sous la chaise. C'est ça, va, ça, gêne. Là, il dit, maman, papa, popo, je suis popo, je suis entour de la chaise. Allô, maman, popo. Là, penses-tu que maman va t'embrasser le bobo, toi, là, mon petit champion, là? Mon petit frisoté, mon berger. Oui, voyons. Là, il dit, ram, dans le tour du monde. Ram, donc. Le tour du monde est derrière nous. Avez-vous compris ça? Non? Le bout du monde est derrière nous. Il n'est pas à gauche. Il n'est pas à droite. Il n'est surtout pas en avant. Il est en arrière de nous. Hey, juste entendre ça, moi, là, j'ai la frisotine au bout du poil. Elle veut s'enlever. Elle veut s'éliminer. Elle veut s'extirper de ma peau. Elle a peur. Ça, c'est ma moustache. C'est bon, ouais? Oh, excusez-moi. Le micro est sorti. Je me suis essuyé sur le micro. Attention. On est en direct, on peut pas couper, on coupe dans le gras, on a déjà plus de gras, monsieur. Veuillez circuler, s'il vous plaît, il y a rien à boire. D'accord, monsieur, on vous croit. On vous croit sur parole, mais en avez-vous une? Ben, moi, je le connais un peu, ce gars-là, moi. Savoir qu'il y a de la parole, ce serait trop dire, voilà. Mais savoir qu'il n'y en a pas, ce serait également amener des mensonges que je ne peux dire ici ce soir. Parce que, premièrement, plus il est tard, plus on a le droit à l'erreur. Sauf, bien sûr, attention, si vous êtes dans les hôpitaux et les hôpitaux et les hôpitaux, si vous êtes un policier, vous pouvez faire des erreurs, tirer sur le monde, courir sur le monde, envoyer des contraventions à tout le monde. Un individu traverse la rue, contravention 250$. Il vous dit bonjour, contravention 300$. Hey, ce gars-là, là, il vous sourit. Et puis, je vous souris pas. Il rit de vous, monsieur policier. 350$ d'amende. Ça va l'air. Hey! C'est fini, là, de faire rire de soi, là. C'est dans la société contemporaine, là. Hein? La police, surtout, là. Celle qui nous garde dans le confort et le réconfort. Les seuses et les seuses. Parce qu'il y a beaucoup de seuses là-dedans. Ah, ça seuse pas à peu près. Hein? Les policiers se font seuser par les policiers. Ah, c'est... J'en connais 4 policiers en bas. Ah! Il y avait le choix, eux autres. Soit policière ou soit danseuse. Fait que là, ils se sont dit... j'en connais 2 là-dedans. Là, qui étaient danseuses. Ils se sont fait arrêter 3 fois par la police. Puis là, la police a dit, « Hey, toi, là, tu cours vite. Tu devrais rentrer dans la police. » Elle est rentrée dedans, la police aimait ça. Regarde, elle rentre dans le sergent, rentre dans le régiment, rentre dans le sergent. Elle a quand elle connaissait les fusils. Ah, elle décharge ça, ouais, là, quoi? J'ai rien dit, moi, là. C'est le policier. Non, j'ai dit que les policières étaient très utiles, surtout lorsqu'il y a une chicane de couple. Quand le monsieur crie après la madame, la policière dit « Hey, moi comme femme, là, je connais ça, là, hein, la brutalité. Parlez pas comme ça à votre épouse. Dites « Je l'aime, je l'aime, j'aimerais ça vous aimer. » Puis, hey, là, la policière s'en va coucher avec les gars. Hein, pardon? Ah non, c'est... Ah ouais, ben moi j'ai vu ça dans un film un film très tard le soir, là. Non, ben c'est une réalité, mais très, très discrète. On va en parler dans les médias. Attends, je vous rapproche, vous même trembler. On va en parler très bientôt dans les médias. Dans les médias qui vont rapporter comme un chien. Ah oui, rapporte. Le journaliste rapporte. Ah oui, rapporte. Beaucoup de journalistes rapportent. Rapporte. Et pas de réflexion, là. On rapporte. Moi, j'ai vu des choses, moi. Elle était là. J'étais ici. Elle a donné ça. Et j'ai dit que j'allais lui dire. Ah, mon doux Seigneur. J'espère que tu vas y dire. On comprend absolument à quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagier, Reynald Gagné. Qui est Reynald Gagné? On veut pas le savoir. Comment? On veut pas le savoir. Comment ça, vous pouvez pas le savoir? On veut pas le savoir. Pourquoi? Le savoir, c'est être traître. Mon Dieu, il y a de l'interférence, hein? On va s'intoniser à une autre station, là. Est-ce qu'on est à CKRL? Eh, monsieur. Nous vous revenons après un beau bout de temps. Boubou de temps. Sur l'autre guitare. Oh, I'm a wench to my floor, my bar. C'est de l'anglais. Oh, I'm a ling to my snake. The ling-a-ling-a-ling-ing. Bow, darling, there must own the world. C'est monde. On a compris. I the world in double light. What night, right night. And savor light, I want the door, won't fall the floor. Oh, no. I lay the door to remove the door. Oh, the doors. Paper a stranger, robin' a man, I want the twain, I ring by the stain. C'est du chien. One of my train time, I'm on the car time, I'm on the start time, by the time. This ain't string, ting, gong, ting, gong, till the time, till the ting. I'll string. Aujourd'hui, le vendredi 5 novembre 2010, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Hey, j'ai de moins en moins de cordes sur le même, monsieur. Hey, coupez-moi la corde! Hey, en hélicoptère, nous avons Raymond Beaudoin. Non, il est en cheval. En cheval. La cheville est un cheval. Quand j'étais cheval, j'étais un cheval mal rayé. J'étais un zèbre et je me suis déculotté. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour. On peut-tu se détourner, s'il vous plaît, pendant quelques secondes? On dirait que je ne peux plus rien faire. Je suis dans le délicat. Voilà. Ah, c'est mieux maintenant. Ok, c'est mieux. Bon, pas très mieux. Pas très bien. Alors, et pour nous envelopper dans Pierre Mikhalov. Pierre Mikaloff est un écrivain et scénariste. Il a collaboré, entre autres, à Rock'n'Folk et à plein de structures narratives et langagières. Ben, langagières peut-être un peu moins, mais narratives et dramaturgiques. Parce que là, je veux faire court. Nous avons déjà dépassé beaucoup trop de temps, malheureusement. Mais Pierre Mikaloff, vous allez l'entendre pendant toutes ces errances à venir et maintenant, aujourd'hui, là, présentement, j'avais un professeur de philosophie qui nous avait lancé une phrase et je ne m'en rappelle presque plus. Et ça ressemblait à... Si tu t'en rappelles plus... Attends, ça me revient, là. Je travaille fort, là. Tu vois pas pomper le mec? Ben, pomper le mec... Le mec se fait pomper. Non, pomper. Moi-même, je pompe. Tu te pompes? Tu t'auto-pompes? Non. Qu'est-ce qui... Être au monde, c'est être toujours déjà là. Oh. Être au monde? Et au monde? Non, au monde. Attention, il vaut Dieu, attention! Être au monde, c'est être toujours... déjà là. Hey, c'est comme la veille de Marcel Babu. Babu, pas Babu, Camus. Maintenant, enrobons-nous en ce vendredi. Proposons-nous un ruban, un fil humaniste entre vous et moi, un voyage chargé pour cette nuit automnale. Faut-il s'arrêter ici et laisser le générique nous envelopper? Non, on l'a entendu, le générique. On ne veut plus du générique. Ma JJ, nous voulons entendre autre chose. Propose-nous ta musique. La musique. La musique, c'est rock and roll. Oh! 1, 2, 1, 2, 3. Ça doit bien faire des millénaires que l'homme est apparu. Et depuis lors, des tonnes de chars ont roulé dans nos rues. Des chapelets de chaloupes dans chaque rivière ont chaviré. Mais n'en demeure pas moins qu'il reste des coins inexplorés. Prêtez l'oreille à mon histoire et vous en conviendrez. Loin sur les eaux d'une mer du sud flotte une île où habite une sanguinaire et cruelle tribu d'avaleurs de bites, dont l'alimentation est exclusivement composée des attributs virils de l'homme normalement constitué. Mais sur le sol de cette île, personne n'a jamais marché. Personne sauf un homme qui, par son courage, y fut poussé. Un homme dont sens on aurait envié les cheveux bouclés. Un homme qui revient frais du bison jusqu'au maringouin. Un homme qui reste à Montréal, mais pas sur le boulevard Gouin. Mais bien sur Colonial, et on l'appelle Régis Bourgoin. Oh, Régis! Oh, Régis! Toujours, toujours le premier! Oh, Régis! Oh, Régis! Puissance et subtilité! Ceux qui connaissent pas Régis ignorent qu'il est un surhomme qui avait entrepris de faire le tour du monde dans son bass drum. La tignasse dans le vent comme Guy Lafleur en échappée. Il sillonnait les mers et océans du monde entier jusqu'au jour où les mangeurs de bites le virent accoster. Régis ayant jeté l'ancre dans une baie en forme de gland, les cramivores le capturèrent au cours d'un catapan. Et comme une famine sévissait sur l'île depuis 2 ans, ils saluèrent comme un don des dieux le nouvel arrivant. Et s'apprêtèrent à faire de lui un mâle sans agrément. Du cœur au ventre, les coupeurs de bites ligotèrent son corps et fébrilement lui retirèrent ses bobettes léopards. Et ce qu'ils virent alors, loin de leur couper l'appétit, reculant les frontières de leur faim jusqu'à l'infini. Ils traînèrent leur proie à la boucherie. Oh, Régis, oh, Régis, comment vas-tu t'en tirer? Oh, Régis, oh, Régis, vont-ils te la dévorer? Yeah! lui sa vie en ce bas monde. Mais au moment où on allait entamer sa fierté, le fil de ses jours s'arrêta sur un souvenir osé. Et sa bite se cabra si raide qu'elle en soit le boucher. Prenant soudain conscience du côté tragique de son sort, Régis brisa ses liens auprès d'un vigoureux sapore. Et notre héros en route se mit à grands coups de moineau à assommer tous ceux qui lui en voulaient un morceau. Et plongeant dans la mer, l'aimeron sortit en dehors de l'eau. Hors d'haleine, notre idole nagea d'un train jusqu'au Québec et déboucha chez eux par le trou du bol de toilette. Mais juste au moment où Régis rugissant surgissait, le gros Pat Napoli qui était assis sa bol et chier ne fut pas plus surpris de se faire entrer drette dans l'arrêt. Oh Régis, oh Régis, toujours, toujours le premier. Oh Régis, oh Régis, Régis va toujours gagner. Oh Régis, oh Régis, humain ou divinité. Oh, oh, oh Régis, écoute du Genesis, même si c'est dans du calice. Oh Régis, oh, oh. Je pense que Noir Désir, à la base, c'est quatre mecs, comme tous les groupes qui marchent, c'est quatre mecs qui en volent, qui veulent réussir, qui des Lyonnais, hein. des Bordelais. Bordelais, ok. Et si tu veux, c'est des gens qui sont différents, qui viennent de milieux sociaux un peu différents. Il y a un fils de militaire, un fils de commerçant. Fils de commerçant, ça c'est Quentin. C'est le batteur. Okay. Fils de militaire, c'est Quentin, comme okay. Jim Morrison. Ok, mmh. Ouais. Et puis, toi, ce qui t'a intéressé, c'est le parcours, les hommes. À vous, ouais. Contrairement à Noir Désir. Qu'est-ce qui a fait que Noir Désir a réussi et vous non? Voilà, enfin, nous et plein d'autres. Pourquoi il y a un groupe pour chaque génération qui fonctionne et pourquoi il y a. Il y en a 10 000 qui disparaissent. Et Noir Désir, en racontant leur histoire, je montre pourquoi. Pourquoi eux, il y a une part de chance. Parce qu'au départ, ils sont pas bons. Ils sont pas bons, c'est beaucoup de travail. Non. Avant, en 80, quand ils commencent, ils sont pas bons. J'ai écouté des j'ai retrouvé, pas des maquettes, mais j'ai retrouvé des émissions des Enfants du Rock de 82, où ils sont filmés à Bordeaux. Et c'est rigolo parce que c'est une période où Quentin est viré du groupe. Et ils sont. Parce que en fait il était à l'époque avec une petite amie très possessive qui voulait qu'il arrête le groupe. Et comme il était très amoureux d'elle, il avait dit ok j'arrête. Okay. Ah mais et... c'est pas le groupe qui l'a foutu dehors, c'est en fait. Non, mais le groupe était sans chanteur. Okay, et okay, après okay. Il est revenu. Okay. Et en fait tu t'aperçois que là ils sont pas mal. Mais là ils sont encore comme 10 000 autres groupes français. Ils sont à la recherche de leur son. Voilà. Et c'est après que ça devient exceptionnel. C'est après le premier album. Ouais, déjà le premier album est bien. Ouais, déjà, mais je parle du ses titres. Le premier, ses titres, déjà, il est pas mal. Ok. Et puis qui s'appelle Où tu veux que je regarde? Je crois que c'est où ça. Veux ouais, que tu ouais, ouais, ouais. Oh, déjà, il est pas mal. Il est pas oh, mal. Ben, ouais, il est extraordinaire pour l'époque. Pour l'époque. Plusieurs hein. Albums voilà. De l'époque, c'est, ça se démarque. Il y avait Gamine que j'aimais beaucoup à l'époque aussi. Ok. Et Gamine, c'est pareil, c'est à mettre en parallèle aussi parce que c'est des Bordelais. Il commence. C'est disponible, Gamine. Plus maintenant. Ok, toi, oui, tu les as. Moi, je les ai, ouais. Mais alors, Gamine, c'est intéressant parce qu'il démarre en même temps que Noir Désir. Il signe un contrat chez Barclay avant Noir Désir. Noir Désir les rejoint chez Barclay après. Et en fait, alors que Gamine avait tout pour réussir, des morceaux plus pop, etc., ils avaient des belles gueules, c'était des beaux mecs, ils vont se séparer au bout de deux albums à cause de problèmes internes. Et c'est tous les problèmes que sauront éviter Noir Désir. Parce que par exemple, il y a un truc très fort chez Noir Désir, ils ont, par rapport à la scène bordelaise, ils n'ont jamais trempé dans la dope. Parce qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'héroïne. J'ai étudié le problème à Bordeaux. Tous les groupes y ont touché. Et les seuls qui n'y touchaient pas, parce qu'ils étaient un peu en retrait, ils répétaient, ils travaillaient, ils étaient considérés comme un petit peu snob parce qu'ils restaient dans leur coin. Et du coup, ils ont évité tous les problèmes de drogue. Sur les Champs-Élysées, à 2 h du matin, j'ai fumé un gros joint et je me su écraser. Paris, c'est rock'n'roll, ça ressemble pas à de gaulle. Paris, c'est comme New York, ça swing et puis ça rate. Paris, rock'n'roll, New York, rock. On s'est fait monter, à me mettre sur mes pieds. J'ai demandé ce qu'elle faisait, moi dit qu'elle se promenait. Paris, c'est rock'n'roll, ça ressemble pas à de gaulle. Paris, c'est comme New York, ça swing et puis ça rate. Paris, rock and roll in New York, rock. Alors tu dans son salon, j'ai vu le système de son. Quand t'as fait jouer, je l'ai, j'ai fait rouler un autre joint. Paris c'est rock and roll, ça ressemble pas à de gold. Paris c'est comme New York, ça soigne puis ça rock. Paris, rock and roll in New York. J'ai vu du Beaujolais. Quand à niveau parlait, j'ai poigné un bouclet. Paris, c'est comme Capone, ça ressemble pas à de gold. Paris, c'est comme New York, ça soigne et puis ça rend. Paris, rock'n'roll, New York, rock. Oui, elle est très audacieuse, mais les gens n'ont pas compris ce que vous avez dit. Pouvez-vous répéter, parce que Paris, c'est rock'n'roll. Nous venons d'entendre mon oncle Serge avec les avaleurs de bits. OK, mon oncle Serge avec les avaleurs de bits. OK, je répète. Mon oncle Serge avec les avaleurs de... let it beat, let it beat, oh, let it beat, on a mind of Windsor, let it beat, let it beat, let it beat, let it beat, on a mind of Windsor. Oh, yeah. Let it be. Let it be, let it be, oh, let it be. On a little rancher. Oh, yeah, baby. Let it be. Yeah, I mais c'est une vraie Diane Dufresne. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami. Je sens le contrat arriver, ils vont m'appeler. Vous pouvez m'appeler au 640-1586-88-640-1586. Ah ouais, le téléphone à deux jambons s'en vont baigner. Ah ouais, mon petit jumain, ils vont prendre le réceptacle, ils vont tenter de pitonner. Ouais, 648-1790, 648-1890. Deux policiers s'en vont baigner. Ah ouais, le gros jumain. Deux policiers s'en vont baigner. Ah ouais, le gros jumain. Vas-tu t'arrêter maintenant? Non. Ah ouais, la petite petite. Ah ouais, la petite jumain. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Oh non. Oh, le pied. Le petit galopin, là, hein. Deux petits bons, nous s'en vont baigner. Ah ouais, les petits humains. Les dames, nous s'en vont baigner. Un peu de sérieux, s'il vous plaît. Nous sommes quelque part dans la stratosphère de l'improvisation. Quelque chose d'encore obscur, mais éclairant à travers le noir, blackage. Blacard, blacaire. Très compliqué. De la stricture. Qui nous amène l'encolure derrière la nuque. Comme Agaguk. Vous connaissez Agaguk? On va vous le raconter l'histoire en alter. Raymond, Simon, Claude, Jean-Marc, apprêtez-vous, on va vous raconter l'histoire de Gaguk. Non, on n'a pas à Gaguk. Aïe donc, ça m'a fait mal. Qu'est-ce que c'est? C'est la troisième molaire de droite, moi, là. Là, ici, maintenant, attribuons la place à mon ami Charles Bukowski. Ouvrons-lui un petit coin de bar. Laissons-le nous suggérer. Je me suis blessé, moi, là. Appelez l'ambulance, 483. Allô, Manu, madame, peux-tu venir? Je suis comme agonisant dans le sang. Du sang précieux de Rénaldien 10, 11. T'as quel âge? Ben, ça dépend, es-tu un jeune homme ou une jeune femme? Je suis trouble. Si tu es trouble, je n'ai point d'âge. Vous avez point d'âge? Eh bien, écoutez, attends, eh bien, écoutez-moi, je regarde ma main. Depuis tous les temps, nous avons joué à m'abandonner des petits crottés comme toi. Des petits qui? Des petits crottés comme toi. Là, il y a quelqu'un qui va me dire, bah, c'est bizarre, hein, on comprend pas. Il y a comme du son étrange, là. Ben, c'est normal. C'est l'accent. L'accent, c'est l'accessif, moi. Je me laxe là tranquillement, moi, là. Ça parle dans les épaisses pins. Plus ça descend dans les épaisses pins, plus on cherche que le sapin ne doit pas être trop éclaboussé. Pourquoi? Ben, le beau sapin. Sinon, on pourra pas dire « Mon beau sapin, oh, du fourru, que j'aime ta peine. » Quand vient l'hiver, on s'égule, on s'étonne de nos aigles. Bon sapeur de forêt, que je me taperure. Les gens l'ont connu, celle-là. Ouvrons-lui un petit coin de bar, laissons. On est toujours avec Bukowski, là. On n'a pas encore commencé, on a un peu pigé. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil « Contes et nouvelles ». Et Saint-Abin, oui, je sais, je rejette, appelle-moi pas. Ben là, je te tiens, là, moi, je te tiens dans mes bras. Non. Je te tiens, mais c'est une manière de parler, là, mais je te tiens à l'œil. Oh, mon Dieu. Alors tu me mires, je te mire dans le coin, de le coin de l'œil. Et puis, nous sommes en retard. Je le sais. On a un bloc de 17 minutes de musique après. Je le sais. Puis là, il est quelle heure? Il est minuit 49. Oh, je le sais. Tu seras viré. Oh, on va se virer comme la crêpe. Moi, j'aime ça virer une crêpe à l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. Mais toi, tu seras à l'envers toute ta vie. J'ai le goût de la chanter. Oh non, c'est pas vrai, pas ma vie. Oh oui, ma vie. Ma vie, j'en ai eu des amants. Ma vie, l'amour, ça fout le camp. Je sais. On dit que ça revient. La vie, qu'il est long le chemin. C'est là que ça se passe. On n'a plus le temps. Laissons-le nous suggérer une improvisation à partir de la première phrase d'une de ses nouvelles, extrait de son recueil Contes et Nouvelles. Bref, cessons les traductions et entrons dans l'antre de l'oncle Buck. Et j'ai fait des nouveaux petits papiers. Et quand je les ai écrits, je me suis dit, mon Dieu, il me semble que ça nous amène à rien. Ça m'inspire pas. Mais c'est Bukowski. On va voir. On pourrait faire une musique ici. Anna marchait dans la rue avec son sac à provisions quand elle dépassa l'automobile. J'ai dit Anna, elle n'a pas de chance, elle. Elle n'a jamais eu. Elle n'aura peut-être même jamais de sa vie. Ma vie, j'en ai eu des non, pousse le galon, moule le mané, Anna, deux beaux, oh mon Dieu, ils sont très beaux, hein, mais merci beaucoup, oh Anna tellement, j'avais la babine qui descendait, Anna avait deux beaux, oh, ben oui, tu veux savoir leur nom? Ben oui, ben c'est comme les enfants de Céline Dion. Oh non, c'est pas vrai, là, c'est un cauchemar, réveillez-moi, pissez-moi dessus, cachez-moi. Hein, qu'est-ce que tu dis? Non, j'ai dit, pilez-moi dessus, on n'a pas dit ça. Alors, retourne la cassette, Jean-Marc, il a dit, pissez-moi dessus, ben, c'est pas ça que j'ai voulu dire, Uri cellulaire, je suis mort, je vais mourir, je veux brosser ma terre. Comment ça? T'as appelé de même, toi, là? Ben, j'ai trouvé tel mignon. Mais comment? J'ai trouvé mignon, mais putain. C'est plus mignon, celle-là, là. Ça, c'est champignon plus que magique. Oh, monsieur. Alors, toi, tu manges la tige ou le château? Moi, le château. Je préfère le château, moi, là. Sais-tu comment, premièrement, là, toi, Anna, là, elle n'a pas tant que ça, là. Ben, j'en ai deux. Hein. Ben, on le sait. On le sait. Elles ont trois ans. Ben, voyons donc. Féminin, masculin, féminin. Bon, elles ont. Elsa. Elsa. Pélépa. Elsa. Télépélépélépa. Quelle est la chanson, donc? Elsa. Tépitito, Elsa. Elsa, mettez ça des bissa. Elsa, toujours des vêtus. Dites jamais que je vous ai dit ça. Ou Elsa me tue. Car derrière ses canisses, Elsa, avec ses longues vues, regardez les rangs rénaldiens. Mais lui sait qu'il n'a rien. Oh! Comment ça, là? Il n'a rien? Il n'a rien que de pompé! Ah ouais, Anna tellement! deux sacs, deux gros sacs de popines, de melon beauce et de pamplemousse. Plus c'est mousse, plus c'est le pamplemousse. Ah, bon, moi, j'ai dit, là, hein, arrête de regarder l'automobiliste. Je vais te prendre tes deux sacs, moi. J'ai-tu l'air d'un moins que rien? Oui. Ah oui? Ben oui. Est-ce que je peux les prendre? Ben, touche-les. Ah, bon, je peux-tu les amener? Amène-les. Où tu restes? Moi, je reste à 13e, ben, où tu restes? 13e avenue. Oh, hey! J'ai vu New York. Ah oui, c'est à New York. Ah, c'est beau, New York. Ah, c'est très beau. C'est beau, New York. C'est beau, la terre. Et dire qu'on est toujours. Le titre de l'improvisation de Bukowski, c'est Solitude. Toujours triste, la solitude. Une seconde de réflexion. Pour elle. Pour qui? Ben, pour la solitude. Oh, mon. Moi, j'aime pas ça, le silence. On dirait que c'est... On dirait que c'est que... On dirait que c'est... On dirait que c'est... On dirait que c'est quelque chose qu'on veut pas entretenir longtemps. Trouves-tu, Rita? Ben, moi, écoute... Voyons donc, Rita Bibelot, ben... Comment tu crois? Ben, tu crois-tu? Je crois... Tu crois en quoi? Je crois en saint, en saint, en saint... En la sainte musique. Oh, no. C'est pour ça que, bon, après il y a l'alcool, ça c'est autre chose, mais c'est pour ça aussi qu'ils ont duré aussi longtemps. Ça c'est vachement intéressant quand tu analyses les parcours des groupes. Mais Gamine, c'est juste des vinyles qui existent, c'est pas des CD? Non, ils sont sortis en CD aussi. Parce que ça c'est disponible, si on cherche sur internet. Là. Ouais, donc une occasion peut-être, ouais. Okay. Ouais. Okay. Et ouais. Toi t'en as quelques-uns? Ah ben j'ai les deux, ouais. Ah ok, ouais. Et puis, tranquillement, Noir Désir. C'est pas tranquillement. Un jour, il est arrivé ce qu'il est arrivé. Et crois-tu que le groupe reviendra? Ben, je pense qu'ils vont revenir. Ça va être long, ça va être compliqué. Mais ils vont revenir. Pour l'état de raison, parce que de toute façon, c'est leur métier, c'est les musiciens, c'est leur métier, même s'ils font d'autres choses à côté. Ils n'ont pas le choix parce que le groupe n'existe plus, il faut bien ramener du bleu. Non, mais ils travaillent à côté. Oh, mais heureusement. Ils travaillent tous. Serge a beaucoup de groupes en parallèle, le batteur aussi, le bassiste aussi. Mais leur aventure, c'est quand même Noir Désir, donc ils reviendront. En plus, ils ont un contrat avec Barclay, ils ont des. C'est là. Ils ont des disques à sortir, donc ils reviendront, mais c'est, comme je l'ai dit plein de fois dans les interviews, faut remettre la machine créative en route, faut remettre le processus en route. Ce qui aurait mis peut-être un clou, c'est la mort de sa femme, le suicide de sa femme, ça anéanti. Il doit s'occuper de ses enfants. Ouais. Et moi, je commençais à reprendre un petit peu espoir, etc. Et c'est vrai que c'est sorti deux titres, dont Le Temps des Cerises, qui est extraordinaire à mon avis. Là, c'est vraiment c'est très rock, très, très bien mené. Puis la mort de sa femme, on reprend à zéro. Hein. Ouais, ça complique. Puis, il ne pouvait pas écrire non plus parce que il y a une loi qui interdit. Ouais. Voilà. Juridiquement, quand tu as. Pas purger la totalité d'une peine de prison, tu peux pas écrire sur les faits qui t'ont condamné. Donc il peut écrire, mais sur d'autres sujets. Là, il peut, là, actuellement, là. C'est ce qu'on m'a dit. Alors, actuellement, je pense que la peine maintenant est terminée. C'est ça. Et c'est vrai que, bon, un auteur, ça écrit sur des choses qui lui sont arrivées, sur les choses personnelles. Donc c'est vrai que c'est difficile d'imaginer qu'il n'écrive pas sur le sujet d'une façon mais les gens l'attendent ou d'une autre. Les gens l'attendent. Hein? Alors ils l'attendent pour des bonnes et des mauvaises raisons, oui. Et les gens vont l'aimer sans doute pour les mêmes raisons que d'autres vont l'haïr. Tu fais qu'ils vont, il va prendre cet événement-là, puis il va peut-être en faire un peu de bidou, un peu d'affaire. Disons qu'ils ne seront plus jamais jugés comme un groupe qui sort un album. C'est terminé. Ils seront toujours jugés voilà, à l'aune dit, de cette soirée fatale. Ouais. On m'a dit que si un jour un album arrivait, ce serait vraiment des ventes extraordinaires. Même si l'album n'est pas très bon. Ben parce ça, que c'est Noir Désir. Ben ça, les gens attendent. Hein. Mais soit il y aura un boycott, soit il y aura un boycott énorme. Soit effectivement il y a une attente énorme qui va aboutir à des ventes énormes. Tout le monde ensemble, je m'aime, ma belle Germaine, prends ta guitare et chante avec mon ami Caillouche. Parce que l'alcool au volant, c'est criminel. Buvez pas, si vous nous écoutez là, c'est correct. Gardez l'alcool caché parce que les policiers sont là et vous surveillent. On y va, mon ami Caillouche. L'alcool au volant, c'est criminel. Attention. La bière vient chaude, puis la poche te gèle. La poche, les testicules pour les autres. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté. À toutes les 5000 pour pisser. Même si t'as gradué, même si que t'es âgé, tu vas te faire pogner au bar la GRC. J'ai tout vu, mon ami. Tu vas l'air ben coco. Mais que tu sautes ta ballon, la ben c'est ben mieux que de se faire tuer. L'alcool au volant, c'est criminel. Tout le monde ensemble, s'il vous plaît. Dans les la voitures. Bière est chaude, puis la poche te gèle. C'est très important, ça. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté. Dans la voiture, s'il vous plaît. À tout, les 5000 pour pisser. Oh, pisser, vrai, puis c'est vrai, ça, là. Pisser la réalité pour les gens qui s'imaginent que rien n'existe maintenant. La police vous suit en arrière. Si l'alcool, c'est criminel. Pas de permis, je n'ai que 15 ans, je suis vierge, je m'appelle Emmanuel, et je m'ouvre au camp policier. J'ai du fond à prendre une bière, des fois même deux. On a du fun quand on est sur le bout de l'aiguë. Mais c'est quand tu t'aimes dans le chemin, avec un short dans les mains. Dedans les mains. C'est lorsque tu viens dangereux. L'alcool au volant, c'est criminel. La bière bien chaude, puis la poche te gèle. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté. À tout des 5000 pour pisser. Si tu bois en drivant, t'es tout le temps arrêté. À tout des 5000 pour pisser. CKRL, cultive tes goûts.